Donc bonjour, donc je suis Beru, donc joueuse en association d'abord bah, avec les copains qui m'ont fait tomber dans le jeu de rôle, et puis depuis l'épisode confinement, plutôt active sur le net avec les communautés, notamment sur Discord, qui m'ont permis de diversifier mes horizons rôlistiques. Voilà. En parlant de diversifier ses horizons rôlistiques, tu me vois arriver. Dis-moi, Beru, pour toi, c'est quoi un jeu alternatif? Alors, comme tout le monde, je pense que j'ai commencé par des jeux dits traditionnels que je trouve intéressants, mais trop dirigistes, alors que les jeux alternatifs que j'ai découverts grâce à toutes ces communautés Internet ben, permettent aux joueurs d'avoir plus d'expression pour co-construire le jeu et pouvoir développer ensemble ben, tout simplement leur univers et faire évoluer leurs personnages de façon conjointe. Donc, par exemple, j'ai découvert les PBTA que je ne connaissais pas, où c'est encore relativement mené par un MJ, mais qui laisse quand même énormément de part d'expression aux joueurs pour orienter le scénario. Il y a un ou deux éléments, mais après, c'est les joueurs qui vont décider où ça va aller. Et puis ben là, récemment, je me suis vu proposer des parties donc de Bob, que je ne connaissais pas du tout. Et c'est vrai que ça, c'est un jeu que j'aime vraiment beaucoup. Je trouve ça passionnant de, ben, de faire évoluer ensemble quelque chose et d'enrichir chacun ses idées. Donc pour moi, un jeu alternatif, c'est vraiment quelque chose qui. Enfin, un jeu qui va proposer des modalités. Je trouve plus riche dans la créativité, donc là au niveau du système, mais après ça peut très bien être au niveau des thématiques abordées ou de la façon de voir les choses en fait. Ok, alors moi j'aurais plusieurs questions à te poser. La première étant, est-ce que tu peux présenter un peu Bob pour ceux qui ne connaissent pas, si jamais ça peut les intéresser? Alors, je veux bien essayer, mais je suis très novice, hein, j'ai une partie. Non, mais juste de peut-être décrire ce qu'est l'anagramme, quoi, pour que les gens retrouvent. Alors, c'est Belonging, Outside Belonging. Et donc, le principe, ça va être un. Alors, soit on dit que c'est un jeu tous MJ, soit on dit que c'est un jeu sans MJ. C'est-à-dire que toutes les personnes qui vont jouer la partie vont participer à l'élaboration du monde en répondant à une série de questions posées par le jeu. Et après, ils vont avoir, selon les versions, soit leur personnage à gérer et une partie de l'univers à faire réagir aux actions des autres joueurs. Soit ça va être une gestion d'une communauté, par exemple, c'est-à-dire qu'on n'aura pas de personnage en propre, mais qu'on va gérer des réactions d'une communauté face aux questions posées par le jeu. Donc je pense à des jeux comme par exemple Cozy Town. Ou alors j'ai commencé une partie de Stand Up, qui est donc dans un jeu qui se situe dans l'univers des jeux vidéo Persona. Donc là où on joue un personnage plus une partie de l'univers. Ok. Du coup, ma deuxième question, c'est, tu parlais d'alternatifs via la fiction proposée, en fait, les thématiques. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus des thématiques qui sont pour toi alternatives? Oui, alors je vais déjà commencer par resituer les thématiques que personnellement je place dans le traditionnel. Donc ça va surtout être en fait des jeux où on va construire l'équipe par rapport à un scénario qui est donné par le MJ. Donc on va avoir un but qui est souvent l'exploration d'un donjon ou retrouver un camarade perdu ou élucider un mystère avec des. Ben, un ensemble de règles qui sont très fixées, avec souvent des fiches de personnages assez développées, avec beaucoup de compétences. Alors que dans les jeux que moi je qualifie d'alternatifs, les fiches de personnages vont être plus légères, et laisser plus de part après pour raconter l'histoire du personnage, pour expliquer qu'il ait certaines compétences ou pour faire avancer la fiction. Et après, dans les thématiques, ça peut aussi être, ben, par exemple, j'ai joué avec Kaloum, qui propose un jeu sur, c'est quoi, c'est La magie de l'art du rangement, qui est donc un livre écrit par une japonaise consultante en rangement, où là, ben, contrairement à d'autres jeux, on ne va pas commencer à la porte du donjon avec tout le donjon à traverser, non, on va commencer juste après avoir fini le donjon et terrassé le grand gardien du donjon. Et tout le jeu va consister à réorganiser, bah, par exemple, son inventaire avec des objets qu'on a créés sur certains critères, donc, et réussir à sortir du donjon avec ces objets. Donc déjà, pour moi, ça c'est une thématique qui est complètement alternative parce que je ne l'ai jamais retrouvée dans aucun autre jeu. Il va y avoir des thématiques sur ce qu'on appelle les larbins finalement dans les jeux. Donc on va jouer des sous-fifres. Pareil, c'est des thématiques qui ne sont pas souvent abordées parce que c'est des sous-fifres dans des univers à la Nalbuck où finalement les sous-fifres doivent essayer de maintenir le donjon en état en gérant l'arrivée des aventuriers. Ben, casse-cou et un peu bracassé, quoi. Donc ça, pareil, c'est un peu compliqué. C'est alternatif parce que ben, on ne va pas gérer ça de la même façon. Là, c'est vraiment le jeu auquel je pense. Il s'appelle Trash. Et on va devoir vraiment gérer toutes les actions en tenant toujours compte de l'équipe. Parce qu'on a un certain nombre de dés, parce que nos personnages sont vraiment des tout petits personnages qui font maximum un demi-mètre. Mais qui doivent ben, charrier, par exemple, un énorme coffre pour aller faire une livraison pour un seigneur de l'enfer. En fait, là où c'est alternatif pour moi, c'est que on ne va pas. Chacun joue son personnage, mais à chaque fois qu'on va faire une action, il faut toujours réfléchir en termes d'équipe. Notamment parce que l'équipe dispose d'un certain nombre de dés. Donc, du coup, il faut vraiment réfléchir en termes d'équipe plutôt qu'en termes de personnage. Ok, alors moi je te propose de passer sur la deuxième question parce qu'il reste plus beaucoup de temps. Pour toi, enfin non, excuse-moi, qu'est-ce que tu cherches en fait quand tu joues et plus particulièrement quand tu joues à un jeu alternatif? Je cherche une nouvelle façon de jouer qui soit plus souple, qui laisse plus de part finalement à l'expression du joueur qu'à des lancers de dés. Et finalement, j'ai remarqué que les jeux auxquels je joue, que je dis alternatifs, c'est des jeux où le fait de jouer en coopération va vraiment être très important. On va vraiment co-construire, participer tous ensemble, c'est vraiment du travail d'équipe. Voilà. Donc pour moi, je cherche vraiment beaucoup de contacts, d'échanges et ben, forcément de la rigolade parce que souvent les termes abordés sont pas très sérieux ou abordés de façon à ce que ça reste léger. Ok. Et donc ouais, tu cherches à être léger parce que tu n'as pas envie de te prendre la tête avec un système, parce que qu'est-ce que tu as envie de voir émerger à la table? Ben c'est, on va faire émerger ensemble une fiction, c'est apporter des idées, c'est les brainstorming, voilà, c'est vraiment le principe, c'est très vivant, c'est beaucoup d'échanges pour pouvoir construire la partie. On n'est pas mené par quelqu'un qui aurait toutes les clés du royaume, parce que c'est lui qui a construit tout le scénario de A à Z. Là, c'est on va tous participer à bâtir la partie et son histoire. Je trouve ça en fait très intéressant. Après, je pense que ça satisfait le côté petite curieuse que je peux avoir. Et si vous avez des interrogations sur les jeux dits alternatifs, entre guillemets, je vous conseillerais d'aller voir le blog C'est pas du JDR. Parce que moi, j'y ai trouvé vraiment beaucoup, beaucoup d'inspiration.